délinquants. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés. Au fond de nos cœurs, c'est comme dans un étau. Personne n'a confiance, alors on vit dans un sale état. Crise d'angoisse quand il s'agit de nous donner la main à un délinquant. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés. J'ai trop souvent été ce mec victime d'une sale réputation. Les langues de pute m'ont blessé, coupé telle une amputation. J'ai tant de choses sur le cœur, mais on me donne pas d'opportunité. J'ai du savoir-faire, ma tête déborde plus que d'une idée. Je suis loin d'être ce mec qui rentre le soir bourré et violent. Tant d'explications pour vous épices et dans un violon. À côté de la plaque, vous êtes à l'ouest de la réalité. J'ai du bon sur le cœur, mais contre moi on ne cesse de militer. La joie sur les visages, les rires, on l'a en forfait limité. Muet toute une vie, devant Dieu, je passerai aux aveux. Rien ne va, ils veulent me faire le coup du savon. Personne se doute de ce que je suis réellement. Un jeune trahi par des gens qu'il aimait vraiment. Honnêteté sur les visages, pour ma part, je l'ai lu très rarement. Des larmes de sang, donc l'évasion se fera dans le son sur nos cœurs. Réalité qui fait pas valser. Les gens nous rendent tristes à divulguer tant d'atrocités. Blow, limsi, nique les rumeurs qu'on veut pas trop citer. On est sains de corps, on vit la main sur le cœur. Sur le cœur, sur le cœur. Au fond de nos cœurs, c'est comme dans un étau. Personne n'a confiance, alors on vit dans un sale état. Crise d'angoisse quand il s'agit de donner la main à un délinquant. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés. Au fond de nos cœurs, c'est comme dans un étau. Personne n'a confiance, alors on vit dans un sale état. Crise d'angoisse quand il s'agit de donner la main à un délinquant. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés. Tu veux savoir ce que j'ai dans le cœur, du gum. Tu veux savoir ce qui coule dans mes veines, du seum. Coincé dans un étau, on fonce sans réfléchir. Et nos cœurs sont sous barrière. Hier, j'ai vu un gars taper sur son père. J'ai pas compris, j'ai baissé la tête. J'ai dit les gars, ça on laisse. Mon quartier est dingue, ça se flingue. Pour les sous, le terrain. Imagine si je disais ça à Rafarin. Sûr, il pourrait pas comprendre. Lui son cœur il pète la soie. Le mien il meurt de soif. On est sur une pente raide et y'a peu de prise. Ouais, elles sentent le shit nos brises. On a tous un cœur, mais on le cache bien. De peur qu'il saigne, qu'il s'effrite, qu'on se sente pas bien. Pourquoi je voudrais la paix? Je viens d'en bas, personne ne m'aide. Je suis né coupable, soit ici ou au bled. J'essaie de faire forte face. Le passé est sale et quand t'es cramé, putain ça laisse des traces. Je me revois, il te fallait quoi la famille? Ok bouge pas, tiens, t'inquiète c'est de la bombe. Au fond de nos cœurs, c'est comme dans un étau. Personne n'a confiance, alors on vit dans un sale état. Crise d'angoisse quand il s'agit de nous donner la main à un délinquant. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés. Au fond de nos cœurs, c'est comme dans un étau. Personne n'a confiance, alors on vit dans un sale état. Crise d'angoisse quand il s'agit de nous donner la main à un délinquant. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés. On était bien gamins, sans soucis, sans problème, sans ambition même. Le cœur dans la main, la dèche dans la poche. Avec les gars on s'accrochait bien. Bisquant sur l'argent, que les grands empochaient bien. Vas-y, si on le faisait. Pour un jean, une paire de baskets, un Milky Way. Ça commence par pas grand chose. Ton appétit grandit, après c'est plus la même chose. Les mêmes doses, les mêmes causes. Écoute c'est plus où je cause. Alors écoute bien. Faut pas que je loue, la franchise fait souvent défaut. Et des fois, y'a même des fous qui veulent tous des fils. Ce monde est flou, alors mon cœur attend la fin de sa vie. Nique les faux qui te trahissent pour la ficelle d'une fille. Je me partage entre la tristesse et la rancune. Triste époque, pas persuadé d'atteindre la trentaine. 22 piges, pour connaissance que la routine. Pas une thune, pas un fin. Donc ma vie loin d'être un film. Au fond de mon cœur, je me dis que la vie c'est une sale conne. Au fond de nos cœurs, c'est comme dans un étau. Personne n'a confiance, alors on vit dans un sale état. Crise d'angoisse quand il s'agit de donner la main à un délinquant. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés. Au fond de nos cœurs, c'est comme dans un étau. Personne n'a confiance, alors on vit dans un sale état. Crise d'angoisse quand il s'agit de donner la main à un délinquant. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés. Au fond de nos cœurs, c'est comme dans un étau. Personne n'a confiance, alors on vit dans un sale état. Crise d'angoisse quand il s'agit de donner la main à un délinquant. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés. Au fond de nos cœurs, c'est comme dans un étau. Personne n'a confiance, alors on vit dans un sale état. Crise d'angoisse quand il s'agit de donner la main à un délinquant. Car c'est comme ça qu'on nous a nommés.